Hier à mille, c'était l'aventure, la guerre, les routes, les combats sanglants. Nous avons acquis une année dure, à mille, la France nous attend. Oh!